On débarque dans la masse de destruction, MC sans monter la pression. 9, 5, 3, 5, numéro 1 la direction. On débarque dans la masse de destruction, MC sans monter la pression. Coppola, Akan, bien niqué le son, Targonus, des plaques à conduction. On débarque dans la masse de destruction, MC sans monter la pression. 9, 5, 3, 5, numéro 1 la direction. Black, crack, prod, qui tourne dans ton iPod. Un mélange de skunk et de forte dose d'alcool. Ça sort tard le soir pour poser au studio Akan et Coppola. Trop vénère sur ce flow, c'est le retour de la black rack, on ne rigole même pas, ne teste surtout pas, ne parle même pas sur moi. Black rack offensive, on débarque pour casser les gencives. Comme mon flow tu pars à la dérive, rap ça lisse, je viens, je le lessive. C'est A-A-A-A-Can, S-S-S-L-I-M, je n'en pas si t'aimes, je t'impose le thème, mon micro je te ken. On débarque dans la masse de destruction, MC sans monter la pression. Coppola, Akan, bien niqué le son, Targonus, des plaques à conduction. On débarque dans la masse de destruction, MC sans monter la pression. 9, 5, 3, 5, numéro 1 la direction. On débarque dans la masse de destruction, MC sans monter la pression. Coppola, Akan, bien niqué le son, Targonus, des plaques à conduction. On débarque dans la masse de destruction, MC sans monter la pression. 9, 5, 3, 5, numéro 1 la direction. On meurt à fond, crame notre putain de son, crame notre putain de flow, crame tous nos ennemis. On fait pas dans la dentelle, on fait pas dans la fliquette. On rappe que dans notre label. Mon crunch fait même bouger les plus belles. Voilà un rap calibré d'un groupe organisé. Du 9, 5 au 3, 5, on les fait tous agoniser. Toujours prêt à proliquer, toujours là pour tout niquer. On vient tout, oui, tout défourailler. J'croque pas la vie à pleine dents, c'est elle qui me suce à plein temps. Garde la pêche poteau, mais reste méfiant. J'suis pas drogué, pourtant j'suis méfiant. Black Rack production, pour la massive destruction. Illicite diction, Coppola, Akan, Slim, assemblé contre l'oppression. On débarque dans la massive destruction, MC sans monter la pression. Coppola, Akan, bien niqué le son, Targonus, c'est Black Rack production. On débarque dans la massive destruction, MC sans monter la pression. 9, 5, 3, 5, numéro 1 la direction. On débarque dans la massive destruction, MC sans monter la pression. Coppola, Akan, bien niqué le son, Targonus, c'est Black Rack production. On débarque dans la massive destruction, MC sans monter la pression. 9, 5, 3, 5, numéro 1 la direction.